bienvenue dans votre émission Les Émotions sur Radio Gamozo. Je suis Charlie, Kevin, Anaïs, Bérangère, Nicolas, Yann et Benoît. Tout au long de votre émission, nous allons passer différentes chansons et chacun devra exprimer les émotions qu'il ressent quant au choix de la chanson. On lance une déjà ? Oui. Ah bah c'est parti. Avancer droit, perdre son temps, avoir peur de soi ou peur des gens, c'est si facile quand on s'endort. Perdre le fil sans les accords. Arrêtez les cœurs, cesse le sommeil, craindre le compteur, les doutes s'éveillent. Face aux égaux, tout semble atteint. Effacer les mots, casser les grains. Aimer à mort, sans respirer, même quand j'ai tort, je suis là, j'arrête pas. Aimer à retour à l'antenne de Radio Gamozo. Alors, on vient d'entendre cette chanson. Déjà, peut-être se dire, est-ce que ça vous a plu ? Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion ? Nicolas. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. C'est quoi que tu aimes ? Bah, que c'est apaisant. Ouais. Est-ce que tu as reconnu l'auteur, enfin la chanteuse ? Non. Non ? Alors effectivement, c'était une, pour commencer on va dire la session de ce jour, c'était plutôt calme. C'était une chanson qui parlait d'amour. Vas-y Yann, hein? Si t'avais quelque chose à dire, vas-y. Non. D'accord, est-ce que tu as aimé toi? Bah, c'est pas une musique que j'écouterais tous les jours. J'ai l'impression que c'est pas la tienne celle-là. Non, je sais pas, ça fait un peu musique par exemple quand... Une musique d'enterrement quoi. Ah oui. Bon, c'est aimé à mort, hein, quelque part. Oui, mais... ouais, c'est sûr qu'on n'est pas proche du Jul que tu écoutes plutôt d'habitude. Anaïs ? Bah, c'est une musique que j'écouterais peut-être en tout temps. Ouais. Ah ouais ? C'est peut-être bien la tienne, alors. Bah... Charlie ? J'ai reconnu Louane. Oui. Je connais cette chanson car j'avais déjà pris cette musique. Ah ouais ? Ah, tu avais choisi cette musique, toi ? D'accord. Ah ouais. Ça avait été l'un de tes choix. Lors d'une dernière émission. D'accord. D'accord. Kevin, on t'a pas entendu sur le choix musical. C'est plutôt une musique que j'écouterai de mon côté. Ouais. Que j'aime bien quand comment c'est calme, quand elle chante, ça parle d'amour, c'est. Ouais. Donc ça te parle un petit peu. Ouais. D'accord. Super. Alors maintenant, à qui vous pensez? Nicolas, je te sens perdu. Tu penses à quelqu'un? Non. Tu aurais pu choisir cette chanson? Non. Bah ça se peut, mais. Allez, donne-nous. Allez, donne-nous un nom. C'est pas grave, hein. Moi, j'ai, pour l'instant, j'ai élimine. Yann. Oui, Yann. Oui, tu peux commencer par là. Parce que vu que lui il écoute plutôt du Jules, bah forcément. Ouais. Non, ça peut pas être lui. Anaïs, tu as une idée? Après, c'est peut-être un piège. Moi, je penserais à Benoît. Ah. Ah ouais. Moi, j'aime bien, effectivement. Je trouve que ça passe bien. En plus, le fait que ce soit une chanteuse française, ça nous permet quand même de bien comprendre les paroles, de bien comprendre le sens de la chanson. C'est. Ça aide, quoi. Et c'est vrai que dans cette émission, on a été habitué à commencer avec des fois des chansons qui étaient plus punchy. Le but, c'est pas que ça vous endorme non plus. Hein. Alors, tu penses à qui, toi, Anaïs? Bah, à toi, elle a dit. Ah oui, c'est vrai, pardon. Tu vois, comme quoi, même moi, ça m'endort. Il est endormi, lui aussi. Ah, moi, tu penses à Anaïs. Allez, best of. De quoi? Charlie. Pour cette chanson, je dirais Bérangère. Ah. Ça aurait pu être un de mes choix. Moi, je pense à Kevin. Moi, je pense à Bérangère. Ah ouais? Non, c'est pas moi. Par contre, moi, j'ai bien entendu ce qu'a dit Kevin. Moi, j'ai bien entendu ce qu'a dit Anaïs. Et moi, je serais pour Kevin. Alors, le match est ouvert entre Bérangère et Kevin. Au roulement de tambour, Bérangère, c'est pas elle, elle l'a dit. Non, ce n'est pas mon choix du jour. Bah, c'est Kevin. C'est Kevin. Alors, c'est explique-nous Kevin. Ton choix. Bah, comme je l'ai dit, j'aime bien le rythme, j'aime bien. Moi, j'aime bien Loano aussi. Ouais. C'est un titre que tu écoutes en ce moment, on va dire. Oui. Voilà. Ok. Et c'était un titre qu'avait choisi Charlie lors d'une de nos précédentes émissions. Sacrée mémoire, Charlie. Je vous remercie. On ralentit méchant. On passe au morceau suivant. Super, on passe à une nouvelle. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade. Sur le piano, si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mémère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids. Au cœur d'artichaut, de retour à l'antenne. Avec une nouvelle chanson. Alors moi, j'ai pas du tout reconnu la chanteuse. Par contre, je trouvais que le rythme et puis le petit fond musical, ça faisait flipper quand même. C'est la chanteuse Camille. Camille, d'accord. C'est un peu lugubre. Ah, moi, j'ai bien aimé. Chanson du Bécher à l'enterrement. Oui, dis-moi. Vas-y, Nicolas. J'aime pas trop la musique. Ouais, le petit... Oui. Le petit retour de musique derrière, là, ça faisait un petit peu... Oui. Donc Bérangère et Nicolas, Patrick convaincu. Ouais, Charlie. Personnellement, c'est une musique que j'écouterai tout le temps, j'adore. Ah oui ? Oui. Oui. D'accord. Donc tu connais quel est le titre alors si tu... C'est Je ne mâche pas mes mots, le titre. Ah oui. Qu'est-ce que ça vous a fait cette chanson ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous avez compris un peu le sens des paroles ? Yann, est-ce que ça t'a plu ? Si, le début c'était bien, mais un peu moins vers la fin. Pourquoi ? Je sais pas, le rythme. Ah, le rythme ? Oui, ouais. Ça c'est. T'aimes bien quand c'est un rythme plus appuyé. Ouais, un peu. Alors, effectivement, dans les paroles, elle répète souvent « Je ne mâche pas mes mots hein, », qui est le titre aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ? C'est le fait que c'est quoi ? C'est une personne qui dit les choses comme elle les pense Oui, ça peut être une personne qui peut être franche et qui ose dire les choses. D'accord, ouais. C'est comme ça que j'ai entendu aussi, effectivement. Oui, oui. Quand on ne mâche pas ses mots, c'est une expression. Ah, alors, toi tu penses, mâche pas ces mots, qu'est-ce que ça... Tu comprends ça comment ? Oui, non mais si, j'ai compris, c'est genre en gros parler en articulant. Ah non, moi je l'entends pas comme ça. Comment vous l'entendez, vous, je ne mâche pas mes mots ? Quand tu sors les mots, tu les manges après bien. Qu'elle se trompe pas entre les mots. Non, c'est une expression, ne pas mâcher ses mots. Charlie, est-ce que tu peux nous expliquer ? Je pense que tu avais commencé à expliquer. Ouais. Voilà. Elle a pas peur de dire ce qu'elle pense. Oui. C'est une personne qui parle assez crûment. Pas crûment, mais voilà, si elle a quelque chose à dire, bah, elle s'exprime, elle réfléchit pas non plus, ou elle garde pas ça pour elle. En tout cas, elle peut voilà, s'adresser aux personnes à qui elle doit parler et elle leur dit les choses comme elle le pense. Je vais prendre un exemple. Par exemple, au travail, moi, quand Bérangère me parle mal ou alors essaye de me commander... moi je lui dis zut. Voilà. Je mâche pas mes mots. Tu dis vraiment zut ? Je dis zut. Non mais plus sérieusement, voilà. Ne pas mâcher ses mots, c'est dire les choses directement à la personne. Ouais. Okay. Ouais, je l'entends comme ça. En gros, c'est quelqu'un qui a de la répartie, quoi. Aussi. Oui, en même temps, si t'as pas peur de t'exprimer et de dire les choses, en retour, oui. T'as peut-être pas... Bon, ça va. C'est pas compliqué. Bah, c'est pas compliqué, c'est pas toujours... Bah, ça dépend à qui. Tout à fait. Effectivement. Ça aussi, ouais. Faut que ça soit adapté. Ça dépend à qui on s'adresse. Ouais. Ne pas mâcher ses mots face à un professeur que vous avez au collège ou au lycée, c'est pas forcément adapté. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé non plus. Ça va. Et dans certains cas, bah, il faut aussi savoir ne pas mâcher ses mots. Dans certaines... certains événements et surtout auprès de certaines personnes. En tous les cas, quand vous êtes sûr de vous et que vous croyez à Père Noël. Que vous croyez à ce que vous pensez, enfin, il faut pas vous retenir, il faut vous exprimer. Ok. Alors, maintenant, on va peut-être passer au vote. Ben oui. De savoir qui a choisi cette chanson. Tout à fait. Merci Marion de recentrer un peu, parce que sinon on peut partir des heures sur une expression. Mais... Non mais je vous comprends, vous êtes bientôt en vacances. Le soleil, les femmes... Allez Anaïs, qu'est-ce que tu penses de cette chanson ? Moi je la pense qu'elle est très romantique, la musique, et c'est ce que j'écouterai peut-être souvent. Ok. Kevin ? Moi je qualifierais cette musique dans une musique de film d'horreur. On mettrait ça dans un film d'horreur, je suis sûr, je saute de mon siège. Ah ouais ? Tu plaques la chanson sur un film d'horreur ? D'accord. Personnellement, je pense que c'est Anaïs. Voilà, c'est ça, comme ça vous pouvez terminer aussi en disant à qui vous pensez. Charlie. Personnellement, je pense que c'est Anaïs parce que je lui avais fait écouter cette chanson il y a quelques années, elle avait bien apprécié. Quelques années, c'est-à-dire c'est une musique, c'est une chanson qui date de quand? Juin 2017. Ah oui, c'est pas tout jeune. Ok. Bah alors moi, pour ma part, je crois que c'est Charlie. Tu fais écouter Anaïs, tu as les dates de parution. C'est vrai. Je crois que c'est ton choix. Oui, mais Anaïs, elle a dit qu'elle aimait bien. Aussi. Oui. Mais... oui. Et ça veut pas dire que ce sera elle, quoi. Ouais. Nicolas, vas-y. Bah moi, je pense que c'est Charlie aussi, étant donné que vu qu'il sait les dates exactement, donc ouais. C'est pour moi c'est Charlie. Pour toi, c'est Charlie. Bon, il nous reste qui? Il nous reste Yann. Moi, je pense que c'est Charlie. D'accord. Ah, moi je vais suivre un peu tout le monde et dire que c'est Charlie aussi. J'ai au grand regret de dire que c'est pas mon choix. Ah, ce n'est pas ton choix? Ah ouais. Bon, en même temps, c'est vrai que ma voisine, elle a quand même dit qu'elle adorait, que c'était une chanson d'amour. C'est toi, Anaïs? Oui, c'est bien moi. Ah, d'accord. Donc, c'est effectivement Charlie qui t'a donné envie d'écouter cette chanson? Exactement. D'accord. Oh, super. Il te l'a fait découvrir, alors? Oui. D'accord. Lors d'un atelier Mausson? Au CESAD? C'est pas au CESAD qui te l'a fait écouter? Non. Non, d'accord. Eh ben super. Merci Marion en tout cas. Interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, la tiremo, dorime, ameno, o mandare in perra vi, ameno, timere, timere, mantiro, mantire. Amen. De retour à l'antenne. Alors. Alors là, c'est vrai que ça nous a changé hein, des deux précédents choix musicaux. Exactement. C'était plutôt. On avait l'impression d'être dans une retraite spirituelle. Comment vous l'avez ressenti ? Je rigole pas. Alors, vu les gestes que tu faisais, je te voyais pas en retraite spirituelle. Ouais, dommage, mais plutôt en chef d'orchestre. Qui peut s'exprimer ? Qu'est-ce que ça vous a fait cette chanson ? Moi j'ai bien aimé. Ouais. Le rythme. C'est surtout ça que j'ai bien aimé, le rythme. Ouais. Est-ce que c'est. On a bien compris les paroles, hein. Je pense que tout le monde a compris. Oui. Divellet. Délivré. Bon, c'était bien évidemment pas en français. Alors, Yann, toi. Ah, je ne sais pas en quoi c'était, effectivement. Question intéressante. Est-ce que tu as aimé, Yann ? Oui. Je sais pas, j'ai pas vraiment trop compris les paroles. Ah. Je sais pas si c'est les paroles qu'on vient rechercher quand on écoute ça. Kevin ? Moi, ça m'a fait penser un petit peu de la musique religieuse. Oui. Qui rentre dans le spirituel. Alors, quand vous écoutez cette musique, vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez ? Une église. Une église, d'accord. Yann a dit un enterrement. Il y a deux fois qu'ils vont à un enterrement. En fait, oui, vas-y. J'ai l'impression d'être à une réunion de chevaliers du roi Arthur. Ouais. Alors moi, tu vois, t'es en réunion avec les chevaliers. Moi, j'aurais été dans les jardins, tu vois, d'une abbaye ou en train de courir avec ma robe. Ouais. Oui, c'est ce qu'on a vu, Bérangère. Vous avez vu, je me suis presque envolée. Oui. Mais du coup, c'est apaisant. C'est. Ouais. On aurait peut-être pu se retrouver, Charlie, au même endroit, en fait. Hein. Mais Anaïs. Qui sait, peut-être qu'au temps des chevaliers. C'était le chevalier, tu étais la princesse qui courait avec ta robe. Ah, on sait jamais, hein. Bah, en tout cas, on n'est pas loin, parce que c'est en langue imaginaire, mais proche du latin médiéval. D'accord. Donc dans une autre vie, peut-être. Sans doute. Anaïs ? Ça ne t'a pas plu ? Non. D'accord. Moi, je trouve que Bérangère s'exprime beaucoup sur cette musique. Oui. Je confirme. Elle a vécu la musique, elle battait la mesure, elle était à fond. Moi, je surtout que pense à Bérangère. Oui, moi aussi, Bérangère. Étant donné que tout à l'heure, en plus, elle avait dansé. Non, c'était bien grand mot. Entre guillemets, danser, je sais pas comment décrire. Tu n'étais pas debout non plus. Non. Ah, je pense qu'il manquait pas grand-chose pour que tu montes sur la table et... Non, ce n'est pas mon choix. Moi, je dis c'est Charlie. Pourquoi ? Je sais pas, je pense que c'est... il a dit que c'était une musique qu'il aimait bien, je crois. Charlie. C'est pas mon choix musical. Ah, moi, je dirais Yann. Ah, intéressant, toi, tu dis Yann. Ouais. Pourquoi ? Il a un sourire derrière son masque. Derrière son masque. Ça se voit ça. Non, ses yeux pétillent. Au point que le masque il se retrouve en dessous du nez. Donc le masque est remis. Yann, est-ce que c'est toi ? Non. Ah non. Moi je penserais à Benoît. Moi je penserais à Nicolas. Ah, attends, je me dé. Alors non, ce n'est pas moi. Nicolas. Rappelez-vous, hein, Nicolas a parlé du rythme, qu'il avait beaucoup aimé le rythme. Alors, Nicolas, est-ce que c'est toi ? Oui. Ah, bien joué, Yann. Alors, Nicolas, parle-nous de ton choix. On comprend pas vraiment les paroles. Oui. Mais c'est surtout le rythme, et c'est pour ça que j'ai choisi, parce que j'aime bien le rythme. D'accord. Donc, au niveau de ton oreille, ça te fait plaisir d'écouter ce genre de musique ? D'accord. C'est pas un morceau qu'on avait déjà eu dans notre émission ? Ah si, il semble. Non, moi, ça ne me dit rien. Ça ne te dit rien. Souviens, d'accord. Après, j'ai... Ok. On a plus eu du Enigma, mais pas de R.A. C'est qui Enigma? D'accord. Je sais pas quoi. Marion, la suite. La suite. Je suis entouré d'étoiles pour que tu te sentes comme sur un nuage. Je reprends ces chansons qui nous ont tous unis sur un refrain. Je te chante mes peines pour que tu te sentes moins seul dans ton chagrin. Je te chante mes amours pour que tu prennes encore plus soin des tiens. Ces horreurs qui tapent à n'importe sans cesse. Cette boule au ventre qui nous empêche de vivre, oui, comme on le souhaite. Confie mes rêves, mes doutes, mes espoirs pour l'éternité. Contre ces mauvaises nouvelles qui se répètent. Ces horreurs qui tapent à nos portes sans cesse. Pour faire briller ce ciel si gris dans ton regard. Ok, de nouveau à l'antenne. Alors c'est une chanson, enfin c'est un morceau qui a fait l'unanimité. Hein. Il y en avait certains qui se sont mis à chanter. Alors moi je connaissais pas. Pareil. Donc c'est une musique des enfoirés, on fait le show, le titre de la musique. Ouais, tu faisais le show, non ? C'est une chanson que j'écouterai. D'accord. Mais par contre, tu ne la connaissais pas ? Si, je la connaissais. Ah oui. D'accord. Anaïs, tu la connaissais ? Non, c'est la première fois que j'entends cette musique. D'accord. Moi tout aussi. Oui. Et moi aussi. Est-ce que vous avez bien écouté les paroles ? Oui. Ça parlait de quoi ? Qui faisait le show. En gros, il parlait d'eux. Oui. De ce qu'il faisait, de ce qu'il projetait, de... Bah... De ce qu'ils font ensemble ? Ouais, de ce qu'ils font ensemble. D'accord. Parce qu'en fait, les Enfoirés, c'est un mélange de plusieurs célébrités qui ont créé une musique. On fait le show et puis... parle un peu de tout à l'intérieur. D'accord. Oui, on parle de rêves, on parle de doutes, on parle de... qu'ils sont main dans la main, qu'ils ont les visages ensoleillés. c'est plutôt un choix entraînant quand même. C'est entraînant, c'est gay. Yann, non? Je sais pas. Bah moi j'ai bien aimé la musique. Ouais. Rint. Ouais, c'est la musique que j'écouterais. Je sais pas comment dire. De temps en temps. De temps en temps. Ouais. D'accord. Pour l'instant, est-ce que c'est ta musique, la musique depuis ce matin que tu préfères? Ouais. Oui? Ouais, à la radio, pas de ce que j'ai écouté ce matin. Nicolas. Bah moi j'ai bien aimé. J'ai jamais entendu, mais j'ai bien aimé. D'accord. Donc C'est vrai que quand sur un morceau il y a plusieurs artistes, et là il y a toutes les voix, ça rend pas comme quand tout à l'heure voilà on entend Louane, ça fait pas le même effet quoi. Là c'est il a fait le groupe. C'était ouais c'était sympathique, c'était quelque part un petit peu ensoleillé. C'est quelque chose que je pourrais écouter. Oui. Anaïs, tu penses que c'est qui? Moi, je penserais à Benoît. Alors, déjà, moi, je ne me suis pas encore exprimé sur la chanson. Moi, je trouve que ça dynamise un peu, là, ce matin, après les premières chansons qui étaient très jolies, mais voilà, ça te mettait l'ambiance. Et je trouve que ça correspond bien à ce groupe aussi, à Emosson. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que je dis maintenant si c'est moi ou pas? Ben. Oui. Eh ben non, c'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Moi, je dirais c'est Charlie. Ah, et oui. Décidément, tout le monde est focalisé sur moi. Mais je dirais que c'est Marion. Ah oui, c'est vrai qu'on oublie à chaque séance qu'on peut avoir et l'invité mystère et puis Marion qui nous donne aussi son choix musical. Non, c'est pas moi. Moi, je dirais Bérangère. Non. Ben non, elle a jamais écouté. C'était la première fois que j'entendais ce morceau. Voilà. C'est compliqué de choisir quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Quoi. Voilà, oui. C'est... Elle pouvait dire ça aussi pour dire que ça n'était pas. Ah, pour vous faire taire. Non, Kevin, non, je t'assure. Donc, je pense à un invité mystère, moi. Pareil. Ah, toi aussi, Yann. Ah, c'est Jordan. Est-ce que nous avons un auditeur au téléphone? Marion. Normalement, oui, elle devrait pouvoir parler. Allô? Bonjour à tous. Bonjour, bonjour auditeur. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter? Alors, moi je suis du coup invité mystère, je m'appelle Mathilde. D'accord. Et vous venez d'écouter la chanson que j'ai choisie. D'accord. Mathilde, vous appelez de quelle ville? De Remiremont. D'accord. Et alors expliquez-nous pourquoi vous avez fait ce choix. Alors j'aime beaucoup cette musique, elle est très entraînante, le rythme est vraiment sympa, il met de bonne humeur. Oui. Et en plus les paroles sont pleines d'espoir, c'est un beau message. Et puis les enfoirés normalement c'est pour la bonne cause, donc voilà, j'adore cette chanson. Eh ben c'est un super choix. Merci Mathilde. Merci Mathilde, je crois qu'il y a Yann qui voulait vous poser une petite question. Non. Ah bah, est-ce que quelqu'un voudrait s'adresser à notre auditeur Mathilde? J'aimerais bien. Vas-y Charlie. Est-ce que vous aimez d'autres chansons des Enfoirés, Mathilde? Oui, alors après, pour retrouver le titre, moi j'ai pas beaucoup de mémoire. Hein. Les Enfoirés ou même un autre chanteur, hein? Soprano. Oui, après j'ai aussi beaucoup aimé ce que vous avez déjà passé depuis tout à l'heure, les différentes chansons. D'accord. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Est-ce que quelqu'un veut... Non. Échanger un peu avec Mathilde? Non. Ils sont tous apeurés devant leur micro. Non, mais ça va, mais... Parce que pour l'instant, on n'a plus rien à dire. Ah, t'as plus rien à dire, ok. Non. Eh bien, on va peut-être remercier Mathilde. Merci Mathilde, merci pour votre appel. Merci à vous. Et puis, merci de nous écouter. Merci de nous écouter. Continuez de faire une super émission. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais. retour à l'antenne. Retour de notre voyage. On revient du Sahara, là. On revient d'une rencontre avec Bouddha. Ah, toi avec Bouddha. Ah non, c'est ce que je disais à Nicolas, je me voyais plutôt dans le désert, là. Oui, moi aussi. Marcher dans les dunes. Yann, parce que là, du coup, tu parles à côté du micro, mais vas-y. Toi, tu te voyais où, là? Pareil, dans le sable. Dans le sable. Oui. Ah, c'est effectivement... moi, je me voyais vraiment avec cette musique-là pour de la relaxation, poser les yeux fermés, et là, on part, quoi. Oui. Ok. Ok, du coup. On voit que, en tout cas, on est d'accord, c'est pas du Joule. Non, là, c'est complètement différent que du Joule. Là. Là, on entend là, bien la différence. Ça demande effectivement de fermer les yeux et d'aller se chercher très profondément. Hein. Ah, ouais, tout à fait. Moi, je la verrais bien comme musique thérapeutique presque. Ouais. Moi, dans une salle de massage, tu sais, avec les pierres chaudes et tout. Oui, ça, et là, ça peut aussi bon. Faire penser à ça. Attends, les sources chaudes. Oh, exactement. Alors. Tu nous disais, Kevin, hors antenne, que tu voyais ça un peu comme une musique de fond dans le film Transformers, là. D'accord. La musique de fond, quand ils montent un grand paysage, tout ça, et puis ils mettent des fois des petites musiques dans les films, juste par derrière. D'accord. Anaïs ? Moi, c'est plus une musique que j'écouterais en relaxation. D'accord. Ouais, comme tout le monde. Et au niveau de... Ça ne te faisait penser à rien? Tu ne t'es pas évadé? Non. Charlie, est-ce que tu t'es évadé? Ah oui, ça m'a détendu de fou malade. De fou malade. D'ailleurs, c'est vrai que tu as l'air vraiment très, très détendu. Là. Oui. Là, j'ai jamais vu Charlie aussi calme, personnellement. Mais c'est vrai que même moi, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'écouterais tout le temps, toutes circonstances, mais là, je trouve que ça... Ça apaise. Tout à fait, c'est exactement le mot que j'allais dire, Nicolas. Ah bah, j'ai deviné en avance. Ah, moi, ce genre de musique, je les écouterais pour me détendre. Mmh. Des fois, ça m'arrive. Moi, je me détends très rarement. Oh, oui. Quand je marche dans le bois. Le choix. Charlie. Il a balancé direct le nom. Non, moi, je penserai à Nicolas. On l'a déjà dit. Ah, Manu. Découvert. Moi, je dirais Bérangère. Moi, je dirais Bérangère parce que du coup, elle. Moi, je rejoins Benoît. Je vais dire Bérangère. Ah, je change d'avis. Je vais dire Bérangère. Elle s'est. Elle s'est autoproclamée elle-même. Je partirai sur Bérangère aussi. Ah, voilà. Yann. J'ai déjà dit c'est Bérangère. Ah, pardon. Non. J'ai beaucoup aimé, je me suis détendue, je suis partie en voyage, mais ce n'est pas mon choix musical. Ok, c'est Charlie. Non, c'est Marion. Ah ! Non, c'est pas moi, je la connaissais pas du tout. Ah bah alors c'est Charlie. Moi, je penserai à Benoît. Elle peut aussi... Alors non, ce n'est pas moi. Moi, je resterai sur Charlie. C'est Charlie. Oui, bah oui, du coup. Charlie ? C'est moi. Ah, bien écoute, tu as bien caché ton jeu. Oui. Raconte-nous un peu l'histoire de cette musique. Alors, c'est un peu compliqué de vous la décrire. Je peux vous dire que c'est le groupe qui interprète... Le compositeur de ces musiques ne sont pas du tout africains. Ce sont des Américains. C'est Dead Can Dance. Ah, du coup, c'est pas de musique. Okay. La chanson s'appelle The Host of Seraphim. Ah. Elle est sortie il y a combien de temps? Je me suis renseigné sur Internet. L'album est sorti en 1988. Ah, c'est pas tout jeune. Hein. Effectivement, c'est pas tout jeune. Oui, c'est vrai. Et tu l'as écouté par hasard, comment? Oui, par hasard, en regardant une vidéo un peu humoristique. Un peu humoristique. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Les Parodies Pro. C'est dans la vidéo où, quand il fait froid, le fils est... se faisait enfermer par le père, joué par son grand frère. Et dès qu'il fermait les volets, car il devait dormir dehors, il passait cette chanson, donc j'ai bien aimé. D'accord. Tu saurais pas par hasard si elle est déjà passée dans des films ou quelque chose comme ça? Ah, je ne sais pas. Non. Parce que j'ai déjà entendu quelque part dans un film, je sais plus lequel. Eh bien ça, Kevin, c'est ta prochaine mission, ça à creuser et à découvrir si...

Charlie a tout de suite trouvé que c'était Grand Corps Malade. Alors qu'on n'avait pas encore la voix de Grand Corps Malade. Ouais. Mais tu as vraiment une oreille. Je sais pas si on peut dire. La première note de piano et Charlie il l'avait trouvé. Alors qu'est-ce que ça vous a fait cette chanson? Moi je la trouve vraiment vraiment. Je trouve que le texte il est magnifique quoi. Oui. C'est une chanson romantique. Je me sens fatigué. Wow, le compliment qui tue de Kevin. C'est-à-dire fatigué pourquoi? Elle m'a donné envie de dormir la chanson. Pas une musique que j'écouterais. Moi aussi. Après effectivement voilà, quand tu écoutes bien les paroles. Moi c'est une musique que j'écouterais tout le temps moi. Qui est-ce qui chante avec Grand Corps Malade? C'est Camille Lelouch. Je n'avais pas reconnu. Anaïs, qu'est-ce que t'en as pensé de cette chanson? C'est une musique que j'aime bien et que j'écouterai peut-être avec mes amis. D'accord. Et le texte? Le texte, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, déjà, c'est un texte romantique. Ouais. Touchant. Ah, Yann? C'est un texte touchant. D'accord. Qui vous parle? Un peu. En fait, là, c'est quoi? C'est un homme et une femme qui racontent leur histoire d'amour. Qui avouent leurs sentiments. Oui. Effectivement. J'ai pas compris, Anaïs. Qui avouent leurs sentiments. Ouais, tout à fait. C'est une chanson récente, hein, il me semble. Hein. Je sais pas, moi. Est-ce que tout le monde l'avait déjà entendu? Oui. Oui. D'accord. Moi aussi, j'avais déjà entendu. Non. Moi, non. Non, non, non. Alors, à qui vous pensez? Bah, moi, je pense à toi, Benoît. D'accord. À moi, je pense à Yann. Ah. Moi, je rejoins Kevin, je pense à Yann. Je pars sur Benoît. Ah, 2-2. T'as vu un peu comme ils nous ont ciblés. De côté, on est plus de 4. Hein. Bérangère. Attends, Benoît, il a un peu chanté. Pas chanté, mais... Ah, si j'arrive à dire l'harmonie. Maintenant... il a un peu... fait... comment dire? Je sais pas comment décrire. Chantonner? Non, pas chantonner, pas chanter... S'exprimer avec... Non, comme ça, là, je sais pas... Ah. Ouais, s'exprimer, quoi. Oui, un peu. Il a réagi à la musique, quoi. Oui, il a réagi, voilà. C'est vrai. Action, ouais. Réaction. Oui. Bah écoutez, on n'a pas non plus évoqué Marion. Tout à fait. Alors, oui. C'est peut-être le choix musical de Marion. Alors, je peux déjà dire que non, c'est pas ma préférée de Grand Corps Malade. Alors, c'est pas celle-là que j'aurais choisie. D'accord. Ah. Bon, allez, moi je vous dis, c'est pas moi. Bon, bah alors, tous les regards se dirigent vers Yann. C'est pas Yann? Oui, c'est moi. Alors, explique-nous pourquoi ce choix. Bah, en fait, c'est une amie qui m'a fait découvrir ça. J'avais envie de lui mettre. D'accord. Ah, super. Bah, on espère qu'elle écoute et que bah, ça lui a fait bien plaisir. Et comme quoi, Yann a des goûts éclectiques. Ouais. Je sais pas, ça veut dire quoi. Tu peux avoir plusieurs styles de musique à nous faire découvrir. Ah oui, mais sinon, moi, je reste c'est toujours plutôt du Joule. Ouais, oui, voilà. C'est vrai que c'est souvent le rap. Et Benoît qui est mort de rire. Mais là, en tout cas, tu fais quand même un hommage à une amie à toi. Ouais, super. Après, j'espère que Kevin ne va pas s'endormir pour de vrai. On va calmer. Merci. Allez, on va passer le morceau suivant, ça va te réveiller. Ça va le dossier. Ok. Prépare les valises, ma jolie. Tout ça, c'est fini. Je vais te faire kiffer les week-ends, ma jolie. Elle me parle plus du quartier, du shit, la police. Toute la semaine, comme le J en folie. Je fais des cendriers et canettes dans l'audi. Je passe les vitesses aux palettes vers Conti. Vas-y, garde-moi la barrette, là, je suis en Conti. J'mets le polo crocodile, bronzage doré à l'huile de cocotier. budget. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un jeep et tout sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il pense, c'est là qu'il pense. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qu'il pense, c'est là qu'il pense. J'prends Uber et du Calais au Georges 5. À la Ribéry, j'mange des entrecôtes à 1005. J'vais faire un tour, j'suis sans casque en 125. J'suis dans la kiffance, j'me sens plus d'attendre le 5. J'fais plaisir à ma mère, dans le ménage, elle a trop souffert. Ma mère, c'est ma reine, j'la laisse même pas mettre les couverts. Quand j'étais en galère, elle me dépannait à découvert. Dernier Range Rover, que je rôde le toit ouvert. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il pense, c'est là qu'il pense. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qu'il pense, c'est là qu'il pense. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un jeep et tout sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Que je dépense, gros joint devant la défense. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Que je dépense, gros joint devant la défense. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. De retour à l'antenne sur Radio Game Ozo. Merci Anaïs pour ce lancement. Ça a réveillé Kevin à côté de toi. Tu pouvais alors, poursuivre. Tu pouvais poursuivre. C'était parce que j'étais bien. Vu et entendu chanter. Moi, c'est pas vraiment mon goût. D'accord. Moi, c'est mon goût. Moi, c'est une musique que j'écoute avec tous mes amis. D'accord. Moi, c'est une musique que j'écoute beaucoup aussi. D'accord, alors dites-nous voilà. Qui c'est déjà, dites-nous qui c'est. C'est Naps. Alors le chanteur il s'appelle Naps et le titre de la musique c'est La Kiffance. La Kiffance. J'ai déjà entendu la musique mais j'ai pas reconnu le début. Alors la Kiffance c'est du verbe kiffer, c'est ça? Ouais. Non mais je sais pas, je pose la question en kiffe, tant que vieux. En gros ça, je pense mais qu'il a voulu dire je kiffe la France. Oui, ah, bah, c'est ce que vous comprenez aussi, Bérangère, moi aussi j'ai compris. Bah, dans, fait la France, après. Dans toute la chanson, il nous parle d'un voyage et puis. Surtout mon Fujiyama. Ah oui. Qui veut faire découvrir des choses. D'accord. Mon Fujiyama, effectivement, comme disait Yann. Oui, oui. Alors moi ce que je trouve embêtant dans ce genre de musique, en fait ils parlent vite et des fois pour comprendre les paroles, voilà, c'est pas toujours évident. C'est vrai que j'ai pas vraiment tout compris. Mais il parle vite, mais il perd jamais son rythme en fait. Ouais, Après, si voilà, si justement c'est ça qui est bien que vous écoutez souvent. Moi, j'imagine qu'au bout, comme beaucoup avec le rap, au bout d'une dizaine d'écoutes, on comprend mieux le sens. Et, Yann, tu disais que tu écoutais Naps. Oui. Et dans ce morceau-là, qu'est-ce que tu en comprends? Je sais pas, moi je cherche pas à comprendre les paroles. D'accord. Moi j'écoute, c'est pour écouter. C'est juste la musique que t'aimes bien, enfin, le rythme, tout ça. D'accord. C'est ton droit, ouais. Mmh. Ouais, j'écoute du style comme ça, mais pas ça. Ouais. Charlie. C'est pas un style de musique que j'écouterais tous les jours. Ouais. On le voit tout de suite, Charlie. T'es pas fan du tout. Ça t'a pas du tout apprécié. Mis dans l'ambiance. Mais il est triste. Il est triste ? Oui. Pourquoi ? C'est sa dernière. Ah ! Tu parles de Charlie. J'ai pas fait le rapprochement. Je pensais que tu parlais de Naps. Donc j'essaie de comprendre dans les paroles que. Non. J'ai pas dit que j'aime. Ce son, c'est. Je ne conteste pas que la musique, elle est triste. Elle est. Au contraire, elle ça punch. Punch. Ouais, c'est un petit peu comment vous dites, ambiançant. Hein, c'est ambiançant. Punch. Joyeux. Ouais. Pour une fois, c'est pas moi. Qui a fait ce choix? Bah, c'est pas moi. Pas moi en tout cas. Hein. Ouais. Marion. Moi, je dis c'est Benoît. Ah non, moi je dis c'est Marion. Marion aussi. Moi je pense à Marion. Ah, je suis... Marion, elle a un grand sourire derrière son masque. Elle a un grand sourire. C'est Marion. Un petit sourire de la part de Marion. C'est vrai, d'habitude je fais la tête. Hein. C'est ton choix, Marion ? Ouais, c'est le mien. Ah. Parce que du coup, après, j'ai pensé à toi, Benoît. Vu... Alors, moi j'aime bien, mais c'est pas, j'écouterai pas ça tous les jours. Et j'aime bien le. Le rap, mais plutôt l'époque Ayam, l'époque ouais. Des années 90. Ouais, je crois que tu... Ah, mais moi je l'ai juste choisi parce que ça va à l'encontre de tout ce que j'écoute d'habitude. D'accord. Et tout ce que j'ai pu déjà mettre comme musique. Donc, du coup, ouais. Parce qu'à force, ça devient facile. Donc, du coup, il me fallait un titre qui n'est pas du tout ce que j'écoute. Donc, du coup, voilà. Puis comme ça a réveillé Kevin. Exactement. Il est sorti sa zone de effectivement, là ça se voit. Ah, c'est il bien, est tout en forme. Yann. Tu as dit, il est sorti de sa zone de confort. C'est vrai. Oui. C'est ça, c'est exactement ça. Très adapté, effectivement. Et j'y suis toujours. On s'habitue à des morceaux et puis là, boum. Marion, elle est sortie. C'est une nouveauté. Ah, merci Marion, ça, en tout cas, ça. Mais ça, de rien. Ça a punché tout le monde. Quoi, là, Ils sont tous sur les tables là, en train de danser. Maintenant, on va se rendre. Je passe à la suivante. Ouais. Merci Marion. Pourquoi suis-je né? Pourquoi je vis? Le réveil a sonné, c'est encore aujourd'hui. Pourquoi j'en ai assez? Pourquoi j'en ai envie? Le soleil s'est levé et je suis toujours en vie. Pourquoi faut-il apprendre à écrire, à lire, à compter? Pourquoi dois-je me rendre à tous ces rendez-vous manqués? Pourquoi y a-t-il des choses qu'on oublie dans un courant d'air? Pourquoi quand on mélange le jaune et le bleu, ça fait vert? Pourquoi y a-t-il des murs qui me séparent de mon voisin? Pourquoi ce Picasso alors que je n'y comprends rien? Pourquoi on nous rabâche des choses qu'on n'a pas demandées? Pourquoi on ne peut pas dire tous les mots que l'on a pensés? Pourquoi c'est la même fille à toutes les unes des magazines? Pourquoi ça fait pas bien de mettre un lit dans la cuisine? Aujourd'hui, pourquoi j'en ai assez? Pourquoi j'en ai envie? Le soleil s'est levé et je suis toujours en vie. Pourquoi peut-il ce soir quand il fait beau à Tripoli? Pourquoi y a-t-il des choses qu'on paie et d'autres qui n'ont pas de prix? Pourquoi le ciel est plein de colombes alors qu'on n'est jamais vraiment en paix? Pourquoi y a-t-il des gens que je connaîtrai jamais au grand jamais? Pourquoi je pleure chaque fois quand Léo chante avec le temps? Pourquoi je me sens perdu dans un univers si grand? Pourquoi y a-t-il des fleurs, de la solitude, du soleil et des chiens? D'ailleurs, c'est bientôt l'heure que j'aille sentir le mien. Pourquoi l'enfer pour tous et le paradis pour certains? Pourquoi hier c'était hier et demain on n'en sait rien? Pourquoi Sandrine fait 100 kilos alors qu'elle ne vaut qu'un? Pourquoi les rêves des autres ont toujours l'air tellement plus fort? Pourquoi je t'ai menti quand j'ai dit que je t'aimais encore? Bonjour, retour à l'antenne. Alors moi je connaissais pas du tout. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, j'ai l'impression. Alors Bérangère dit qu'elle connaît pas du tout, ça peut être une feinte. Hein. Moi mais... je connais déjà ce style de musique. J'ai déjà entendu le chanteur là, mais je sais plus son nom. J'ai l'impression que c'est un morceau de musique de comédie musicale. Yann ? Qui la connaît cette chanson ? Je la connais. Pas moi. Tu peux nous en parler, Charlie ? C'est le chanteur Thierry Amiel qui chante cette chanson. Ah, Thierry Amiel. C'est quoi ? Il a remporté un concours, lui ? Il a fait la nouvelle star, mais il n'a pas gagné. D'accord. Je découvre. Est-ce qu'elle vous a plu, cette chanson ? Oui. Ouais ? Mais il pose vraiment beaucoup de questions, quoi. C'est vrai. Il se pose beaucoup de questions sur lui. Oui. Nicolas, tu m'as dit quelque chose pendant que le morceau passait. Que... Oui, que j'apprenais ça au collège. La chanson-là ? Oui. Alors, c'est quoi le titre ? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, ça. Alors, vous la chantez, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc du coup, ça veut dire que les paroles, tu les connais bien ? Je les connais pas vraiment par cœur, mais je connais un certain petit bout. D'accord. Est-ce que vous avez du coup étudié le sens des paroles ? Le sens des paroles, on étudie un peu sur ça aussi. Oui. Mais pas vraiment beaucoup. D'accord. Est-ce que quand il a fait cette chanson, il n'était pas un peu triste, un peu beaucoup, je dirais. Elle est sortie à combien de temps, la musique ? Bonne question. Charlie, tu peux dire. C'est 2003. Ah, voilà. Mais ça fait déjà quelques années, quand même. Ça fait 18 ans et un demi, à peu près. Bon, faut pas se le cacher, c'est quand même un morceau qui nous a calmés. Ah oui, après la kiffance. Ah, c'est. Ah, on fait le grand écart, hein. Grand ah bah, la kiffance. Pour moi, c'est pas un morceau que j'écouterai trop souvent. Mais le rythme, moi j'ai bien aimé quand même. Je rappelle que Bérangère peut très bien feinter, on est plus que deux. Donc, oui. Elle dit qu'elle connaît pas, elle dit qu'elle aime pas. En gros, pour que ça tombe sur moi. Mais ne vous faites pas avoir. Ça peut aussi être toi qui essaye de nous diriger vers Bérangère. Ah, bah c'est le jeu. Benoît. Oh, Benoît, c'est plutôt dans tes goûts musicaux, ça. C'est vrai. Ce genre de texte à parole. Puis... Tu aimes beaucoup les textes à parole. Ouais, mais est-ce que vous avez été habitué par mes choix? Et puis, comme ça Benoît, il y a Charlie qui a dit tout à l'heure qu'il l'avait fait écouter dans la voiture hier. Alors... Mais tu penses que j'aurais donné mon choix seulement aujourd'hui ? Oui. Ah non. Oui, oui. Et ça fait quoi ? Ça fait 8 mois que j'ai donné mon choix à Radio Gamezo. Peut-être que tu la connaissais déjà et puis... Oui, t'as donné ton choix à Radio Gamezo pour une émission précédente. Bon, c'est moi, oui, effectivement. Parce que je tiens à préciser que Benoît ne donne jamais ses titres longtemps à l'avance. Voilà. Non. Voilà. Bah oui, c'est quand ouais, il arrive dans le studio. T'es toujours le dernier. Alors pourquoi ? Parce que je donne le choix de tous les autres jeunes avant. Comment vous faites les jeunes quand vous voulez faire passer vos choix musicaux à Marion ? Bah soit on appelle, soit on envoie par Messenger. Bah oui. Moi je l'ai fait sur Messenger. Voilà, ils sont autonomes. Moi c'est Benoît qui l'a fait. Voilà. Ah. Moi je l'ai fait tout seul. Bon alors parle-nous Benoît de ce choix de Thierry Amiel. Eh bien alors effectivement je l'ai découvert hier. Dans la voiture, Charlie me l'a en fait écouter. Moi, j'avais l'idée d'une autre chanson. Et je me suis dit, ah non, mais elle est bien. Le texte me plaisait. 2000 ans sur Terre, c'est effectivement beaucoup de questionnements sur sa vie, sur la société en général. Je trouve qu'elle est. Moi, elle me parle. Merci, Benoît. Mais de rien. La dernière, merci Marion, c'est parti. De dire que je m'y prends à la dernière seconde pour te donner les titres. C'est vrai, je ne dis que la vérité. Allez, on part pour la dernière qui sera coupée puisqu'elle est très longue aussi. D'accord, merci. retour à l'antenne sur ce dernier morceau. Bon, nous avons reconnu Céline. Oui. Ouais. Bon. Il y avait plusieurs voix qui se ressemblaient, mais c'était bien Céline Dion. Ah oui, The Star. C'était joli comme morceau, non? Kevin, Anaïs? Moi, c'est une musique qui me ferait endormir. Pareil. Pareil. Ah, j'étoufferais avec cette musique, en fait. Ah, t'étoufferais? Nicolas. Moi, c'est une musique qui m'a fatigué. Moi, je l'ai trouvée jolie. Oui, aussi, mais... Bon, les paroles sont un peu particulières, hein, quand elle dit que, voilà... Le petit garçon met sa main à son cou, manque d'oxygène. Je vais manger une orange pour tenir la journée. C'est un peu triste. C'est un peu spécial. Alors qui aurait pu choisir ça? Bah, il reste plus que Bérangère, donc. Bah oui. Donc là, c'est un peu logique. Bah, c'est mon choix. Mais c'est mon choix, c'est parce que c'est un hommage à Céline Dion. Ah oui, elle a avoué qu'elle avait une maladie. Elle n'est pas en forme, donc voilà. J'ai une question, Bérangère. Vas-y, Charlie. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir cette chanson? Alors, j'ai un album à la maison de Céline Dion, un vieil album. Hein. Et donc, je crois qu'il est dessus, quoi. Donc, voilà, tu vois, j'écoute de temps en temps. Et puis, je suis tombée sur ce morceau. Mmh. Et je me suis dit, tiens, pour aujourd'hui, ça serait pas mal que je le partage. Mais elle est sortie il y a combien de temps? Je peux pas dire. J'ai pas les dates. Bon, je me permets de prendre la parole parce qu'on sait tous que c'est le choix de Bérangère. Sauf que j'aimerais que Charlie puisse redire au micro ce que tu as dit tout à l'heure pendant la chanson. Oui. Tu as commencé en disant c'est moi ou. C'est moi ou j'ai. Il y a quasiment toutes des chansons que j'avais déjà prises lors de précédents ateliers. Alors? Est-ce que c'est un hasard? Non. Non, ce n'est pas un hasard, Charlie. Oh, mais quelle délicate attention! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut expliquer? Bah, vu que c'est la dernière émission que Charlie sera avec nous, vu que le 4 mars, le jour de son anniversaire, ne sera plus au CESAD, car il s'en va. Et donc, tous ensemble, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la dernière émission radio de Charlie? Et on s'est dit, tiens, on va regarder tous les choix musicaux de tes 7 émissions, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu as fait 7 émissions. Plus l'atelier avant. Ouais. Et du coup, on s'est creusé la tête avec les jeunes, on a pris ça en amont avec Bérangère. Oui, Marion, des fois je fais des choses en amont. Et on s'est dit, mais on va lui faire une surprise, c'est-à-dire que c'est des chansons qu'on aime bien, mais bien évidemment, t'imagines bien par exemple le grand écart pour Yann de prendre Grand Corps Malade et Camille Lelouch, alors que tout le monde s'est dit on va lui faire cette surprise pour sa dernière émission dans le studio. Voilà. Et les jeunes ont tous été ultra d'accord, ont tous dit ah ouais, c'est une chouette surprise. Et voilà. En tous les cas, ça a fait son petit effet. Et en tous les cas, la 7e chanson, tu te dis quand même waouh! Mais il me semble que c'est tous les morceaux que j'ai choisis au cours des différentes émissions. C'est pour ça qu'on a dit à Marion, les deux dernières, il faut les mettre à la fin, Thierry Amiel et puis Céline Dion, parce que tu me les as fait t'écouter hier. Donc je dis, bon, là, s'il les a au début, il va se dire, mais c'est pas possible. Et là, voilà, ce qui était drôle, ce qui était touchant, c'était de te voir au fur et à mesure de l'émission, se dire, mais celle-là, je l'aime bien, celle-là, je l'aime bien. Et là, pour la dernière, tu dis, mais c'est moi ou c'est tous mes choix. Donc tout le monde a choisi, sauf Marion. Mais c'est bien, ça mettait aussi un peu de... Ça les a réveillés comme ça. Exactement. Oui. Est-ce que Charlie, tu as quelque chose à nous dire? Je me doutais bien, comme c'était ma dernière émission, ils allaient faire une surprise. Mais alors là, reprendre tous mes choix musicaux, là je suis... je vais me lâcher, je suis sur le cul. Est-ce que ça te fait plaisir? Mais ça m'a fait trop plaisir, merci beaucoup. Écoute, l'intention était là, c'était le but aussi. On a passé avec toi de très belles émissions. On te remercie pour comment va-t-on dire ça, toutes tes connaissances aussi, tes connaissances musicales. Quand nous on ne savait pas de quelle année étaient les choix musicaux, toi tu savais tout de suite. Tu as une énorme culture musicale et c'était important aussi que tu puisses l'exprimer au cours des différentes émissions. Tout à c'était, fait. C'était enrichissant. Et t'étais très moteur dans cet atelier. Tu pourras toujours appeler lors des émissions, être l'invité mystère ou autant que tu veux. Et nous, on tenait à te remercier parce que effectivement, Bérangère a déjà tout dit, mais cette connaissance, cet entrain, cette envie de faire cet atelier, je pense que ça motivait aussi tout le monde. Et voilà. On a passé de très Charlie. Bons moments ensemble et pour ma part, je te souhaite une bonne continuation, un beau projet de vie. Je vous remercie pour votre attention qui était très émouvante. Eh bien, merci à toi, Charlie. Ah, mais, et puis Mathilde aussi avait fait un choix que tu avais fait, on est d'accord ? C'était pas cette chanson-là. D'accord. En tout cas, j'avais bien pris les enfoirés oui. à une période. Oui, c'est vrai. C'était l'un de tes choix. Et c'est lors de l'atelier, je tiens à dire, c'était, tu l'avais pris enfin, lors de l'atelier avant l'émission. Mais bref, tout le monde a joué le jeu pour que ce soit des chansons qui te plaisent. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, les jeunes? Parce qu'on va pas terminer par Bérangère et moi. Un petit mot avant qu'on arrête. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident de prendre la parole. Peut-être qu'ils le prendront en antenne, ce sera plus facile. Ah non, mais même pour dire pour clôturer l'émission, hein. Bonne cuir. Ah, j'arrive plus à dire. Bonne continuation, Charlie. Merci, Nicolas. On te souhaite tout le courage du monde pour que tu aies ton code et. Que tu poursuives le code, le baccalauréat, le permis de conduire, un travail adéquat et voilà. Dans la vie de tous les jours. C'est ça ce que tu voulais dire, Anaïs? Oui. Je te souhaite bonne continuation et puis j'espère que tu auras tous tes diplômes. Merci de la confiance. Je te souhaite plein de réussite. Merci beaucoup, Yann. Tu vas nous manquer. Vous allez tous me manquer. Hein. Je penserai à vous chaque minute. On te laisse le mot de la fin pour clôturer. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté l'émission des émotions. Vous retrouverez bien évidemment la prochaine émission, probablement de lors des vacances de printemps. Merci à tous. Merci, Charlie. Merci, bonne Charlie. Journée. Au revoir. Merci, Charlie. Merci. Sur ma route, oui.